Le pêcheur d'orange, par Gaston Leroux. Comme le soleil, perçant enfin un ciel de nuée, frappait de ses rayons obliques la robe d'or de Notre-Dame de la Garde, je descendis vers les quais. Les grandes dalles en étaient humides encore, et sous nos pas, nous renvoyaient notre image. Le peuple des matelots, des débardeurs et de portefaix, s'agitait autour de poutres venues des forêts du Nord, actionnait les poulies et tirait sur les câbles. Le vent âpre du large, se glissant sournoisement entre la tour Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas, étalait sa rude caresse sur les eaux frissonnantes du vieux port. Flanc à flanc, hanche à hanche, les petites barques se tendaient les bras où s'enroulait la voile latine et dansaient en cadence. À côté d'elles, fatiguées des roulées lointains, lasses d'avoir tangué pendant des jours et des nuits sur des mers inconnues, les lourdes carènes reposaient pesamment, étirant vers les cieux en loques leur grand mât immobile. Mon regard, à travers la forêt aérienne des vergues et des hunes, alla jusqu'à la tour, qui attestait qu'il y a 25 siècles, des enfants de l'antique fossé jetèrent l'ancre sur cette côte heureuse et qu'ils venaient des routes liquides d'Ionie. Puis mon attention retourna à la dalle des quais et j'aperçus le petit pêcheur d'orange. Il était debout, cambré dans les lambeaux d'une jaquette qui lui battait les talons, nu-tête et pieds nus, la chevelure blonde et les yeux noirs. Et je crois bien qu'il avait 7 ans. Une corde, passée en bretelle sur l'épaule, soutenait à son côté un sac de toile. Son poing gauche était campé à la taille, et de la main droite, il s'appuyait à un long bâton, long 3 fois comme lui, qui se terminait tout là-haut par une petite rondelle de liège. L'enfant était immobile et contemplatif. Alors, je lui demandai ce qu'il faisait là. Il me répondit qu'il était pêcheur d'oranges. Il paraissait très fier d'être pêcheur d'oranges, et négligea de me demander des sous comme font les petits vauriens sur les ports. Je lui parlai encore, mais cette fois il garda le silence, car il considérait attentivement l'eau. Nous étions entre la fine taille du Fides, venu de Castellamare, et le beaupré d'un 3-mâts goélette venu de Gênes. Plus loin, deux tartanes, arrivées le matin des Baléares, arrondissaient leur ventre, et je vis que ces ventres étaient pleins d'oranges, car ils en perdaient de toutes parts. Les oranges nageaient sur les eaux. La houle légère les portait vers nous à petites vagues. Mon pêcheur sauta dans un canot, courut à la proue, et armé de son bateau couronné de liège, attendit. Puis il pêcha. Le liège de son bateau amena une orange, 2, 3, 4. Elles disparurent dans le sac. Il en pêcha une 5e, sauta sur le quai et ouvrit la pomme d'or. Il plongea son petit museau dans la pelure entr'ouverte et dévora. « Bon appétit, lui dis-je. »« Monsieur, » me répondit-il, tout barbouillé de jus vermeil, « moi, je n'aime que les fruits. »« Ça tombe bien, » répliquai-je, « mais quand il n'y a pas d'orange, je travaille au charbon. » Et sa menotte, s'étant engouffrée dans le sac, en sortit avec un énorme morceau de charbon. Le jus de l'orange avait coulé sur la guenille de sa jaquette. Cette guenille avait une poche. Le petit en sortit un mouchoir inénarrable et soigneusement essuya sa guenille. Puis il remit avec orgueil son mouchoir dans sa poche. « Qu'est-ce que fait ton père ? » demandai-je. « Il est pauvre. »« Oui, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Le pêcheur d'orange eut un mouvement d'épaule. « Il ne fait rien puisqu'il est pauvre. » Il fila le long du quai, je le suivis. Nous arrivâmes ainsi au gardiennage, petit carré de mer où l'on tient en garde les petits yachts de plaisance, les petits bateaux bien propres d'acajou ciré, les petits navires d'une toilette irréprochable. Mon gamin les considérait d'un œil connaisseur et prenait à cette inspection un vif plaisir. Une embarcation jolie, toute sa voile dehors, elle n'en avait qu'une, accosta. Cette voile était immaculée, gonflait son albe triangle, éclatant dans le radieux soleil. « Voilà du beau linge !» fit mon bonhomme. Là-dessus, il marcha dans une flaque, et sa jaquette, qui décidément le préoccupait au-dessus de toute chose, en fut tout éclaboussée. Quel désastre ! Il en aurait pleuré. Vite, il sortit son mouchoir et essuya, puis il me regarda d'un œil suppliant et me dit « Monsieur, je ne suis pas sale par derrière ?» Je lui en donnai ma parole d'honneur. Alors, confiant, il remit encore une fois son mouchoir dans sa poche. À quelques pas de là, sur les trottoirs qui longent les vieilles maisons jaunes, rouges ou bleues, les maisons dont les fenêtres étalent la lessive des chiffons multicolores. Il y avait, derrière des tables, des marchandes de moules. Les petites tables étalaient les moules, un couteau rouillé, un flacon de vinaigre. Comme nous arrivions devant les marchands, et que les moules étaient fraîches et tentantes, je dis au pêcheur d'oranges. « Si tu n'aimais pas que les fruits, je pourrais t'offrir une douzaine de moules. » Ses yeux noirs brillaient de désir et nous mîmes tous deux à manger des moules. La marchande nous les ouvrait et nous dégustions. Elle voulut nous servir du vinaigre, mais mon compagnon l'arrêta d'un geste impérieux. Il ouvrit son sac, tâtonna, et sortit triomphalement un citron. Le citron, ayant voisiné avec le morceau de charbon, était passé au noir. Mais son propriétaire reprit son mouchoir et essuya. Puis il coupa le fruit et m'en offrit la moitié. Mais j'aime les moules pour elles-mêmes et je le remerciai. Après déjeuner, nous revînmes sur le quai. Le pêcheur d'oranges me demanda une cigarette qu'il alluma avec une allumette qu'il avait dans une autre poche de sa jaquette. Alors, la cigarette aux lèvres, lançant vers le ciel les bouffées comme un homme, le bambin se campa sur une dalle au-dessus de l'eau et, le regard fixé tout là-haut sur Notre-Dame de la Garde, il se mit dans la position du gamin célèbre qui fait le plus bel ornement de Bruxelles. Il ne perdait pas un pouce de sa taille, était très fier, et semblait vouloir remplir le port. C'était Le pêcheur d'oranges, par Gaston Leroux.